ندخل اليوم في السؤال 71. Et en fait, c'est une partie d'une question qui est plus longue, mais comme elle ne touche pas vraiment la langue française, je vais la passer et me contenter de ce paragraphe-là. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن التسمي بالإمام. Donc l'auteur a été interrogé quant au fait de se nommer imam, l'imam. فأجاب رحمه الله تعالى التسمي بالإمام أهون بكثير من التسمي بشيخ الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إمام المسجد إماما ولم يكن معه إلا واحد. ولكن ينبغي ألا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة له أتباع كإمام أحمد وغيره ممن له أثر في الإسلام. Donc il a dit, le fait de se nommer par l'imam, cela est bien de moindre mal que de se nommer Cheikh l'Islam, Cheikh de l'Islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé l'imam du masjid comme étant imam. Et même s'il n'est qu'un seul. Cependant, il a dit, on ne doit pas se permettre de nommer les gens imams, si ce n'est qu'à des gens qui sont des meneurs, des exemples, des références, comme l'imam Ahmed ou autre. Des gens qui ont une grande influence sur l'islam. وَوَصْفُ الْإِنسَانُ بِمَا لَيَسْتَحِقُهُ عَذْمٌ لِلْأُمَّةِ لِأَنَّ الْإِنسَانِ إِذَا تَصَوَّرَ أَنَّ هَذَا إِمَامٌ وَهَذَا إِمَامٌ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ مَنْزِلَةَ الْإِمَامَةِ هَانَ الْإِمَامَ الْحَقَّ فِي عَيْنِهِ. Car le fait de nommer une personne parce qu'elle ne mérite pas, cela peut avoir des conséquences néfastes sur la Ummah. Car la personne, justement, tu lui donnes une image qui ne revient pas et qui en réalité revient à quelqu'un d'autre. Donc ce quelqu'un d'autre, tu vas le comparer à cette personne-là qui n'est pas de son rang. Donc cela va amener à quoi? À une perte de son rang. Et là, un tambi, notre frère Ayoub Abu Mu'adh Faransi, il avait écrit un article sur le forum sunni.com par rapport à cet homme qui est nommé l'imam Chalghoumi, que tout le monde appelle imam. En islam, un imam n'est pas un statut, comme par exemple un prêtre ou un rabbin. Le rabbin, c'est quelqu'un, on revient vers lui dans plein de choses, même en dehors. Je parle dans la communauté des juifs. Et le prêtre également. Les gens reviennent vers lui dans d'autres domaines que celui de la messe. Alors que l'imam, ce n'est que l'homme qui dirige la salat en groupe, c'est tout. Il n'a aucune autre particularité. Et il n'a aucun statut supérieur sur les gens. C'est juste quelqu'un qui récite le Coran devant les autres. Et cet homme-là, peut-être à côté de cela, il peut être un boucher, il peut être un cordonnier, il peut être un informaticien. Il a un travail à côté qui lui est spécifique. Et lorsque la salat vient, il vient et fait l'imam. Ou alors il peut même mettre, ça peut même être son métier, il est imam du masjid, il est payé pour cela. D'accord? Mais c'est quoi cela? Ce n'est pas un statut, c'est une profession à ce moment-là. Car le jour où il n'est pas là, quelqu'un d'autre prend sa place. Donc on ne nomme pas un imam comme par exemple les koufars le font avec un prêtre ou un rabbin. Ce n'est pas pareil en islam. Ce n'est pas un statut. D'accord? Ce n'est pas un statut. À partir du moment où la salat est terminée, l'imam n'a rien de plus qu'un autre. Et l'imam n'est pas forcément un savant, car les gens ils ont tendance tout le temps à le dire, on va demander à l'imam telle et telle chose. L'imam n'est pas un savant, ça peut être un homme très ignorant, juste, il connaît du Coran, ce qui permet de préser la salat pour les gens, c'est tout. Ça se trouve, c'est un grand ignorant. Tout comme derrière lui, il peut y avoir des gens qui sont savants et qui ne sont pas imams dans le masjid. Parmi eux, des machaires qui sont là, mais ils n'ont pas forcément une belle voix, ou ils ne sont pas aussi méticulés dans la mémorisation que cet imam. Donc eux restent derrière, par exemple, pour la salat. Mais ils sont de plus haut rang que cet homme-là. Donc c'est une erreur de dire l'imam un tel, en visant par là l'imam d'une mosquée. Et de attribuer cet attribut-là en toutes circonstances. Par contre, comme l'a dit l'auteur, le terme imam, on l'attribue aux gens référentiels dans la religion. Comme l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, et ainsi de suite parmi les grands savants également, qui sont des gens vers qui on revient, dans les nawazil, dans les choses importantes. On les appelle imam. Et cela, ça n'a rien à voir dans le sens imam, dans le sens de guide. Ils sont un guide, des guides pour la Ummah. Naam. ثم قال في السؤال الثاني والسبعين 72e question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام هل يجوز donc il dit parmi de nommer quelqu'un شيخ الإسلام qui est le شيخ de l'islam فأجاب رحمه الله تعالى لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز أي أن الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل donc il a dit maintenant ce surnom de Cheikh al-Islam qui veut dire le Cheikh de l'Islam il dit dans l'absolu cela n'est pas permis car cela viendrait à dire cette personne là l'Islam lui revient et dans tous les domaines on peut revenir vers lui dans l'absolu donc on ne peut pas dire cela de quelqu'un car personne n'est infaillible à part les messagers dans la retrospection de la révélation il n'y a que eux donc remettre l'Islam dans sa totalité à une personne individu cela n'est pas permis cela n'est même pas concevable أما إذا قصد به شيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم الصدق في الإسلام فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وترقيبه به maintenant si on vise par là une personne qui est un grand savant et dans tous les domaines de l'islam dans tous les domaines et les on va dire matières islamiques il a un savoir immense et minutieux et détaillé. Alors lui, à ce moment-là, on peut le nommer de la sorte. Comme ce fut le cas de qui ? Ibn Taymiyyah, qui était nommé Cheikh Islam. Et à savoir qu'Ibn Taymiyyah n'est pas le premier. D'autres avant lui ont été nommés Cheikh Islam et d'autres après lui également ont été nommés Cheikh Islam. Mais Cheikh Islam, on ne peut l'attribuer qu'à quelqu'un qui est, on va dire, fort dans toutes les branches de l'islam. Même s'il n'est pas le plus fort, il aura forcément une force dans les différentes sciences. Et il se peut qu'il soit plus fort dans d'autres que dans certains domaines que dans d'autres. Mais dans tous les domaines, on peut dire que cet homme-là, c'est un savant. Dans le hadith, c'est un savant. Dans le fiqh, c'est un savant. Dans la langue arabe, c'est un savant. Dans les usul, c'est un savant. Et ainsi de suite. Dans chaque domaine, il est un savant. Et on peut trouver quelqu'un, par exemple, qui sera moins savant que lui, par exemple dans le hadith, mais plus savant que lui dans le fiqh. C'est possible. On ne dit pas qu'il est le plus savant dans tout, parce que tout le monde, forcément, ce n'est pas une condition. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah était connu pour cela à son époque, mais d'autres que lui, d'accord, avaient d'autres, on va dire, spécificités. Naam. Par exemple, en cette époque, Cheikh Ibn Baz a été nommé Cheikh al-Islam. Alors que, par exemple, dans le hadith, Cheikh al-Albani est plus savant que lui. Cheikh Mokbil était plus savant que lui, par exemple. Mais lui, il était, on va dire, homogène dans son savoir. Il était très savant dans tous les domaines. Donc, il méritait ce surnom. Non. ثم سئل في السؤال الثالث والسبعين ما حكم هذه الألقاب حجة الله وحجة الإسلام آية الله. Donc, il a dit, qu'en est-il de ces surnoms comme la preuve d'Allah, la preuve de l'islam, le signe d'Allah, ou le miracle d'Allah. C'est-à-dire, on nomme quelqu'un de la sorte. فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ هَذِهِ أَلْقَابُ حُجَّةُ اللَّهِ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ أَلْقَابٌ حَادِثَةٌ لَا تَنْبَغِي لِأَنَّهُ لَا حُجَّةَ لِلَّهِ عَلَى عِبَادِهِ إِلَّا الرُّسُلِ Donc, tous ces surnoms sont des surnoms qui sont des choses nouvelles, innovées. Car il n'y a aucune preuve d'Allah Azzawajal sur ses serviteurs, hormis ses messagers. Sont eux qui ont été envoyés comme preuve contre les gens. أما آية الله فإن أريد به معنى الأعم فهو يدخل فيه كل شيء. Maintenant, آية الله qui veut dire signe d'Allah et qu'on peut dire également le sens de miracle. Si on veut le sens général qui le signe, alors cela, d'accord, cela est valable. كما قال الشاعر في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Que toute chose possède un signe qui démontre qu'il est unique, c'est-à-dire Allah. Allah, dans chaque créature qu'il a fait, chaque créature, tu verras bien, ne sera jamais similaire à 100% d'une autre. Il y aura toujours une différence pour montrer que le créateur est unique. Aussi nombreux soient les hommes, aussi nombreuses soient les pierres, aussi nombreuses soient les créatures, elles auront chacune une chose qui la différenciera d'une autre. Tu prendras même deux poissons de même espèce, de la même couleur, de la même taille, de tout, il y aura toujours une différence entre l'un et l'autre, que nous, on ne verra pas forcément à l'œil nu, mais qui sera là. Pareil, l'être humain. Regarde bien les empreintes sur nos mains, les empreintes digitales, par exemple, elles sont toutes différentes. Même tu pourras prendre deux jumeaux les plus identiques possibles, il y aura toujours une différence entre les deux dans un domaine. Donc, dans ce sens-là, quand on dit signe, signe d'Allah, cela est permis. قال وإن أريد به آية خالقة فهذا لا يكون إلا على أيدي الرسل لكن يقال عالم مفت قاد حاكم إمام لمن كان مستحقا لذلك. Par contre, si on veut dire par là le miracle, alors cela n'a lieu que par les messagers. Les messagers. Car il y a une différence entre, en arabe, ce qui est attribué au messager, ce qui est attribué au awliya. En messager, on appelle ça mu'jiza, aya. Et pour les awliya, on appelle ça karama. Et en français, le tout, on traduit par miracle et prodige. Mais en arabe, il y a une différence. Et là, c'est ça que l'auteur il veut dire par là. Quand il dit le prodige, que ce n'est attribué qu'au prophète, il parle des mu'jiza. Et pas des karamat. Al-Karamar, cela peut être attribué à Awliya, des gens qui sont autres que les prophètes et les messagers. En arabe, il y a une différence. Mais en français, c'est pareil. Donc, on dit à la personne qui est remarquable, on va dire que c'est un savant, on va dire que c'est un mufti, on va dire que c'est un juge et autre. Imam, dans le sens qu'on l'a dit précédemment. Cela est permis. Mais dans le fait de dire, de nommer quelqu'un comme étant le miracle d'Allah, cet homme-là est un miracle d'Allah, d'accord? Cela alors était évité. Ah ben, le décrire de la sorte, sans que ce soit forcément un laqab, des lois à la main l'ont déjà fait. Par exemple, Cheikh Mokbil, il a dit de Cheikh Mohamed El-Amin Chalketi, هذا آية من آيات الله في الحفظ. Il a dit cet homme-là est un miracle parmi les miracles d'Allah, ou plutôt un signe parmi les signes d'Allah, dans la mémorisation. Il était impressionné par la mémoire de cet homme-là. Mais peut-être qu'il voulait dire par là un signe d'Allah pour montrer aux gens la force que Allah peut mettre dans une de ses créatures, Allah Ta'ala alam. Fa ila huna, walhamdulillah bil alamin.